C'est dans une de ces soirées que l'on se met à concocter jus de fruits, le pamplemousse, voire même la bière avec la mousse. Une nouvelle robe tendance, avec tout plein de romances. Les belles vestes noires récentes, les chaussures assorties à la vente. Il n'y a plus de nœuds papillons, voire même plus de cravates marron. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est une fête quotidienne, poussez-vous que je devienne. Je ne suis pas dans l'arène, je n'ai même plus de peine. Est-ce que tu crois qu'on finira dans la même? La soirée est bientôt terminée, que vais-je faire dans ma liberté? Me donner encore à fond, ou me réveillant demain sans pantalon? Et puis tu sais, je suis tellement saoul, demain j'aurais peut-être oublié mes sous. J'aurais laissé mon vieux chapeau, avec les verres qui étaient tantôt. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non! Oh oh, c'est une fête quotidienne, poussez-vous que je devienne. Je ne suis pas dans l'arène, je n'ai même plus de peine. Crois-tu enfin nos peines? Crois-tu enfin à nos peines?